La délégation d'échange de l'enseignement pour l'amitié nippo-coréenne conduite par Sano Mi-tion et autres hôtes étrangers ont visité le 6 août le Palais du Soleil de Kumsusan pour formuler leur hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.